بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه وأرضاه عن أبيه وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفوتي الثوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن أبيه في الفصل 33 من كتابه رماح حزب الرحيم على محور حزب الرجيم: ولا تقرأ جوهرة الكمال إلا بالطهارة المائية من الحدث والخبث وطهارة الثوب والمكان، ويكون الذاكر بها جالسا إلى آخره. Jotaay bi wessu kon ci gisoon nañ ba ci jawarul kamal ne def ko jam luddul ci labak ndox mo xam manam ci tahar tahadath lawul tahar khabas niki nonu labak manam yere ak beurep kon yoyep dafa wara manam kon ce place bi ngi koy defé dafa wara lap beurep bi dang ko wara dafa wara lap manam yere yi dafa wara lap nit ki tam yaram dafa wara lap yoy ci lay jangé jawhar kamal ci la koy jangé lol nak chart la ci jawharatul kamal ci dimi bokkum mo xam da ngay wazifa wala wazifa wo parce que nit ku suy wazifa ak su wazifa wol yep jawharul kamal yi ay chart la ci cependant tok ti jawru kamal du don chart ludul bo ci defé lu mat jurum ñaar a part de jurum ñaaral bi top day dadi war ce qui veut dire que bu fekkante da nga bëgg di def ay jawru kamal ni mën na ko def di dox fek fi may dox mi ngi lap ma ngi assurer wu ni amna lap mais su fekkante da nga bëgg def ko lu upp jurum ñaar yon fok ci jurum ñaaral bi ma top motax muna wayakunu mu nek az-zakir ajzikar biha ci mom jalisan di aji tok muna fa in qat faqada su fekentene faduna voilà fi tamit benen mbir la moy wa tariqa bi ci masala bi tam dañ ci wouté ci kagn lañu wara tok ndax dañuy tok ci juroom ñaaral bi wala dañuy tok ci bu ñeuk bi manam ci buñu wëssu ci buñu wëssu ndax dañuy tok ci buñu jëk bi wala ci juroom ñaaral bi lañuy tok loolu dañ ci wuté loolu dañ ci wuté ku dobe nak lu dobe nak Seyd Mohamed Hafiz manam attijane manam Shinqiti radiyallahu anhu mom dafa gis ne nit ki mën na dox ba juroom ñaaral bi mu doko tok par exemple. Mais bo gisé Cheikh Omar fi radiyallahu anhu dafa wax né mom duñ ko zikar ki koy zikar manam ci buy buñu wëdu bu yexé rek ci premier ci fof rek day top manam bu yexé rek day dadi top d'accord légui mu né nak fa in faqada bu faké faduna shartun ben shart min hadhihi shurut ci la shart manam masala bobu nak moy ci wazifa wuté nak bu dul wazifa jëwul ko man nga ko jang sa nga tok su féké té du wazifa mais su féké té wazifa la fokk da ngay tok manam lolou mom moy woute bobu am mais woute yoy non manam dou reuy dou lo xamantene par exemple du charte bo xamantene dañ nan boko def ci wazifa du djub du bax parce que wazifa meun nga ko def taxaw meun nga ko def di dox lolou moy sous condition kan ki nga xamantene dafa doy tukki wala bok tout simplement munul wazifa tok impossibilité ndax impossibilité bi maintenant nak kokou numuy def bu fekkante dafa ci juuy ci ku mel budé ku mel non en tout cas nako def bobu yexé ci juroom ñaaral bi mu doko tok lu ngon ko au moins mu tok ci période bobu manam mu trouver dal fu mu tok parce que ci juroom ñaaral bi comme niñ ko xamé yannabi sallalahu alayhi wasallam day ñew kan day ñew khulafa ar-rashidin radhiyallahu anhum day ñew si rahmatu jar rabbi alamin donc da ngay tok su fekkante ne lolu amul manam bu fekkante ne place bi tamit da ngay douté ci labam nga tek mbalan ak yu mel non comme ni nga xamne non lañ ko gissé won ci jotta bi yoss niki non non lañ ko gissé won ci chapitre 31 bi bu boba deng mu ne fa in faqada bu fa do shartu shart min hada shuruti ji la shart fa innaha na wir bor moy mom jawatul kamal la taqra u def ko jang fi wazifati ci wazifa bu boba manam shart yi bu fa do nako jang parce que lan motax parce que munuma jang jurom ñaari jawhara rek ci wazifa lolou mën ta ne il faut ma jang ci fuk ak ñaar comme que mbir mi non la deme nan lay def kon boba damay wor damay bayyi jawharatul kamal dotuñu ko jang legi suma jangul jawharatul kamal lumay def munew taqra'u na nga jang bu wa taqra'u def na jang salat fatih lima ughliqa bi ñepp xam badalaha mura mu wutuko ñaata yon munew 20 marra ñaar fukki yon kon ñaar fukki yon ngay jang jaw manam ngay jang salat fatih même masala bobu tamit wa tariqa bi dañ ci wuté am na ñu wax né ñaar fukk ngay jang ak ñent am ñu né ñaar fukk yoon ngay jang amal na nak li nga xamné mom moy liñ mujjé saxal da naka ñi nga xamné li ëpp ci wa tariqa bi mom lañu faral di mujjé wax moy ñaar fukk mom lañu mujjé saxal mom lañu mujjé dëgeural comme niko cheikh omar radiyallahu tabaarak ta'ala indi motax cheikh omar radiyallahu anhu ci ay waxam yu bo sello mom ci tariqa bi lu ci ëpp ëpp ëpp ay waxam dañuy mujj deugural yu ci upp ay waxam lañuy mujj deugural deng legui kon li aju ci wërlu bi paré nañ ko le aju ci wazifa bi paré nañ mu dugg ci benen muy ñett ñettel bi nga xamantene mom moy wu moy hadar juma mom lañu wax zikru asr yawm aljuma wa walazimul wird kadal wazifa wa zikru asr jumaati nazifa rasul hajmal ba rabbalan ci fatihatu salam manam walazim mom ñett yoy la wird wazifa ak hadra su juma mi jang ci takusanu aljuma mu ne minal awaminal azkar bok na ci sikkar allazimati nga xam dañ ko takkol tariqat ngel tariqa bi zikr sikkar al kalimatu kadu al musharrafat bañu teral ba manam bu tedd bu mag ba bi tamami ha ci matam manam moy wax la ilaha illallah moy ci matam baada ginaa asr takusanu yawmul jumaati bisu aljuma wa huwa ta moy la ilaha illa allah awol bok azkar azkar al fard bi chapatio bi manam moy turu yalla bi nga xamne mom chapatio li nga xamne allah rek nga wax moy wa huwa ta moy allah allah allah bi isbat ci saxal manam moy saxal min khair nafin bu andul ak daq parce que batu la ilaha illa allah day daq fa pare saxal moy la ilaha awul ben bur illa allah kulul yalla manam kon amul ben bur bo xamne def nako jamm ci deug kulul yalla kon ce qui veut dire que da nga da ñep ni amul kenn ku ñu wara jaamu amul dara lo xamne yalla nañu jaamu et cetera après ge doga saxal ne yalla nak mom rek la yaangi def kon lool mom moy nafi ak isbat voilà boy mom même comme qul ta'ala ila kalimati sawan baynana wa baynakum moy allah na'budu illa allah wa la nushriku bihi shay'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah après min dunillah da di ñu deug wa comme alcorane waxe fof wax la kay len ci ben cadre bo xamne dañ ci d'accord ñu ne lan mo ne ñu la nabu da illa allah buñu jaamu kenen nga ne buñu jaamu dara nga ne mo ne illa allah bam dess yalla wala nushriku bi gis nga xam nga lol saxal nako wala nushriku bi buñu bokale ak yalla wala yatakhadha buñu jappé kenn bayna na suñu digënté han wala yatakhadha ba'duna ba'duna suñu digënté suñu bénn ci ñun ñi bu kenn jappé baadan ci kenen ki ñi ñeneen arbaban manam ño xamantene ay borom lañu doon ño xamantene dañ leen di jaam manam dañu am rububiyé ko il manam min dunillahi bokk ta yalla kon manam mu saxal mu dakk ñepp di saxalat yalla ak makan naka la ko wala kin kana comme ne makan ibrahim yahudiyan wala nasraniyan mun wala kin kana hanifan musliman wala yakum min al mushrikin manam da ngay gis tout temps day saxal dak moy kalimat la ilaha illallah moy message wax tawhid lol fokh mu am ci tawhid ñaar yoy la andal wetal yalla dafa andak dak ak saxal moy la ilaha amul benn bour bo xamne def nako jaam kon dak na ñepp ginnaw ba dakki ñepp illallah mu da ñu ñu saxalat yalla rek leg kon lol mom moy kaddu bi nga xamantene mom moy bu jëk leg mu dess leg nak allah moy ma saxal kess allah mom saxalatu mu dak motax allah mo gëna for que la ilaha illallah kess mo gëna for wa parce que la ilaha illallah moy damay dak doga saxal damay dak ñepp saxal yalla kesse mais woyu allah comme yalla rek ka fi nek kay amul ku may saxal mbaama diko dakal kenn rek ka fi ne yalla jeexna mais allah deng legui nak mu ne legui nak non kon non lañ koy defé manam kon zik kon aljuma ginnaw takusan dañuy sika kon bu ginnaw takusan bu timis légi nak mu commencé dugg ci détail a mbir mom parce que xam nga daf ni la monef lako defé kon ak la ilaha illallah muna awi zikr wala bok zikr bi kon zikrul fard ko manam moy allah légi kon ce qui veut dire que ni mën na commencé légi mbir mi ni la defé moy mën na commencé la ilaha illallah ñu commencé la ilaha illallah ba mu jeex mën nañu allah commencé allah ba mu jeex mën nañu commencé la ilaha illallah ba jëm jamono ñu soppi allah ba mu jeex kon lol ñaar possibilité ñet possibilité yu amna ñentel possibilité bi mo amul moy mënuma tambalé allah bamu yag mu bëgg soppi nak nan la ilaha illallah dédé trois possibilité rek ñu am voilà trois possibilité yu amna kon yëpp bax nañ bu ci way def rek est am do ben bu def na li nga xamantene mom lañu def manam mom lañu wara mëna def ci tarikat amana nak bola ñaari mën na gën wala bok def allah mais lolu cheikh natija vaut mieux mom la lolu def wa cheikh xawmu lu doon def on xawmu lu doon def mais nak gis na ni ñi nga xamantene ñom ñoy en tout cas face ñom dañ dan def la ilaha illallah ak allah ba ci il y a deux générations hein génération moi non nous sommes deux voilà ba ci en tout cas ba il y a quelques décennies là ci lañ commencé di def rek la ilaha illallah kess mais sinon ñaar yépp lañ doon def donc ce qui veut dire que mën nañ ndiort rek ci ya dara am ñaar yépp la doon def mais lolu manam ni khulafa yi makki wala bu ko xam yi makki nek ci tarikh bi wax ñu ci dara wax ni man xawma non attention man ma ko xamul amna différence entre man xawmoko ak waxu ñu ci dara wala lolu après bala ngay wax la waxu ñu ci dara il faut nga xolaat bu baax waxu ñepp kenn ku ci nek d'accord voilà jeuf chaande wax bu dégager ga service mo voilà alhamdullilah ko mo ci dara la ilaha illallah ak kon allah kon nya manam dout façon bu ci way meunti def baxna meunti meunti def ak baxna c'est que amul lieu pour critiquer kuy def li wala ku def li wala kuy wax ni amna tam ñu doon wax naan cheikh Cheikh Omar radhiyallahu anhu mo indi Allah Allah koku ñaka xam la souvent mais ñoo ñoy ay waxi par parlo la moko indi moy ñoo xamne dañuy bëgg di par parlo di ki mais ku nek xam na ni ñaari possibilité yoyep amna d'ailleurs fa ci bopam ñaar yep lañ doon def deng lolo tax nak man ma jox ne cheikh tidiane cheikh na tidiane rabbi yalla ñu beul la doon def moy la ilaha illallah la ilaha illallah après allah allah allah parce que cheikh zubair dani pap mamam ñu sey mohammed kabir mamam mom moko moko soppi mom mo wax gaay nañu def la nañu def nañu def leg la ilaha illallah kess baña wax allah allah donc ce qui veut dire que mam cheikh mohammed kabir surtout cheikh la manam cheikh mohammed kabir cheikh mohammed bashir moy papa cheikh mohammed bashir cheikh mohammed habib moy papa cheikh mohammed habib cheikh ahmed tidiane radi Allah moy papa donc hein voilà radi Allah voilà donc génération bob mom à un moment donné ci lako téré bon da non wax né parce que dafa gissone nit ñi xawma and ak en tout cas dans explication bu joxe en tout cas nim ko waxe dal moy rek que ni nit ñi dañuy préoccupé wu manam que buñu wax Allah Allah dafa am nuñu wara mel manam nuñu wara concentrer wo ak yoy wa xéetu explication yoy dal la jox mais man dal li nga xamantene mom dal la gis ne lool la moy ne loolu xawmu ba xam exactement non la démé mais hakikatan lolu doyul comme explication pour ñuy dindi lu mel non voilà parce que de toute façon talibé ñom ñep parce que su lolu lool wërdu bi ci bopam la ni bayyi parce que nit ñep tollu wuñu ni ñi mëna concentrer wo voilà voilà donc voilà donc ala kulli halim même hatta la ilaha illallah bo bu fekkante dang koy waxte ni nga wara mel manam concentration be yoy nga genn ci ay préoccupation en tout cas genre xépp wax yoy dalon mais dal ala kulli hal am lu muñ ci xew hakikatan dal bu fekkante ne cheikh mutidiane radhiyallahu beul la don def li nga xamantene amal na mom lool nak mom gis la param gis la bo xamne kenn ku ci nek mën nga libre ci am benen gis ci walu gogum mom gisam la manam mën na nek ñeneen amuñu gis bobu ñen motax ñeneen ñi dañuy continuer di def la ilaha illallah ak allah allah amna ño xamanteni tamit allah allah rek lañu def parce que mom lañu gëna yegg ne ñi manam mom lañu gëna gis ne manam sen hadara ci lañu gëna yegge hadara bi nga xamanteni mom lañu def et cetera manam nit ñi dal tolo wu niveau mënuñu jël ñëpp dégg leen ci même sac bi niki nonu mënuñu jël tamit ñëpp ne leen da ngeen di conformer wu ci bi ni rek li nga xamantene lañ mëna wax dal moy bu ci nit def baxna cheikh mohammed kabir manam nim ko soppé non radiyallahu lolu effectivement mënef nako défé non niki non la ilaha illallah la ilaha illallah bi nit ki tamit mën nañ def la ilaha illallah après ñu def allah allah comme ni nga xamantene non lañ ko xamé ci ñom cheikh omar radhiyallahu non lañ ko xamé ci waawon ñom sen hajj malik radhiyallahu et cetera ak ñeneen ak ñeneen niki non lañ mën defé tamit allah allah allah allah et cetera comme ñom cheikh bi ñom ni ñi def ak ñeneen manam kenn ku ci nek mën nga def tout simplement comme ni nga xamné non la ko tiré waxé amuñu jël affaire bi restreindre ko ci dara à cause de kenn waxna wala keneen waxna lulul ne cheikh tidiane radhiyallahu anhu ni la ko yenen tibi sallallahu alayhi wasallam joxewon ni la amé droit ni la kenn ku ci nek manam ni la la acquérir manam affaire bi ni la yaato possibilité yi ni la amé kon ku nek mën nga def li nga xamantene manam groupe bi dal ñoy xol ana naka lañ koy defé ñu defé ko ni nga xamantene ñom nonu la leen bon sambalé exactement munuñu né par exemple fokk rek da ngay wax la ilaha illallah ak allah allah munuñu ko wax munuñu wax né fokk rek la ilaha illallah kessé ngeen di wax bu fu kenn wax allah allah munuñu wax né parce que li tax parce que leen tamit da ngay gis ñu bari dañuy wax dañuy jël dañuy faral di jël bobu yi xalat surtout ci yeen rew naari surtout rew naari dafa bari ci ñom ñuy faral di xalaté nonu ba far dañ presque danaka fuñu dem dañ koy bëgg imposer ni gaay dañu war di wax la ilaha la kessé xet gogou non amna tamit ño xamantene comme par exemple ñeen ñi nga xamné xamé wuñ par exemple tudduk kaw la wala yoy nga xamné ñom la ilaha illa allah rek lañu def duñ def allah allah ñeen ci comme ñassé ni ni voilà ñeen ñi ñom nga xamantene dañuy faral di bam le fait que ñu gis lool day tax ñu dénigrer mais way allah allah bokku ci nangam nangam yoyu fi et cetera am ño xamantene tamit ñoomit dañuy ki bam dañuy bëgg tamit ñepp di wax manam ñuy wax la ilaha illallah buñu faré wax allah allah tax buñu démé benen groupe bo xamantene ñoom manam amuñu fa autorité mais ñu bëgg quand même gaay di def li ñi def ñoom manam té lool donc ala kulli hal manam da voilà alors que mënul nañ am rek ubbeeku deun ba fo dem fekk nit ñi di def bi nga def ni ñoña di def rek tout simplement amul bel problème au moment où ñaar yeb bax nañ au moment où ñaar yeb bax nañ ñatt yeb bok au moment où ñatt yeb bax nañ lool dal mom mo gëna yanu manam surtout que tamit par contre tamit di wax naan ay nit ñi duñ concentré wok ay dañuy ki wok ay yeguñu fuñu waxe non lool ben xéetu manam arté ci kaw nit ñi la bo xamantene man dal en tout cas li nga xamantene mom limay wax man la engagé moy né lolu manam kenn warul nek ko xamantene da ngay mëna juger ci kaw nit ñi ci né rek nan ala kulli hal man nan parce que duñ concentré wu duñu li duñu la du égguñu fi égguñu fele parce que nit ñi dañoo wouté té ñi wa tariqa bi yalla limuy def ci ñom ay xéet nit limuy def ci ñom nit mënul taxaw bëgg juger ñepp né ñi ñepp ni lañ mel légui lolu mënuñu ko wax au moment où ay wali yu mak a la kulli hal dañu exister fu mu nek dañu exister donc mënuñu taxaw ne par exemple ñom manam keñ rek bi zahir bi ni rek yaakar ne manam keñ nit ñi mënuñu am lutax ba nit ñi mënuñu concentrer yow mënu ko mais bu lu wax ne nit ñepp mënuñu ko parce que lolu benen affaire la tamit bien sûr kon do julli la voilà exactement voilà et puis werdi yeek yoy ak liñ ci laaj tewlu geek yoy manam yoy yep dafa am ben idéal maintenant ci bir idéal bob mu am yi nga xamantene tam et puis nit ki kep ko xamantene da ngay zikar ñaari di nga comprendre que ni ala kulli hal le fait que ngay def ñaar yep amna quand même manam de lay entraîner amna ki amna voilà amna num lay spirituellement voilà amna num lay entraîner spirituellement ben cheminement boy def ci bir zikr bi te lolou soko de tam ci bir zikr bi ding même dans la vie de tous les jours cheminement bobu dang koy réaliser aussi manam dal ala kulli hal te d'ailleurs xam nga hadara bi son origine du won du hadara du hadar originum du won ci tariqa bi tariqatul khalwati dafa amone hadar bi xam dafa am hadar bi hadar al jumaa bi khalwati tariqatul khalwati d'accord te mom dañ ko toxal indiko yantou sallam dafa ni cheikh tidiane da am hadar ak denko def man mu continue diko def malgré que djugé na ci tariqatul khalwati mais mu continue diko def hadar al jumaa bi te ci même heure bi la ko def ñom même jamono bi même heure bi ce qui veut dire que d'ailleurs lool mom moy gissone nagn ko ci yakana chapitre 28 que sayyidna ali karamallahu jo mom la ko yentim sallallahu alayhi wasallam joxone bi xet manam yoon bobu nak bobu nga xamantene ci mom mo top isnad bobu ba ci sayyidna ali ci mom la ko yentim sallallahu alayhi wasallam renouveler wat yese lat ko doxat ko ci am ci jandal directement waxal la ilaha illallah après waxal allah te pourtant da ngay gis ni ñaar yep lako wax nako wax ñaar yep lako wax nako wax ala kulli hal manam du ñun ñoy taxaw di wax naan bi mo gën wala be mo gën mais bo xolé hadith bobu ni mu démé té loolu lañ toxal bu mu ñew ci tariqatul khalwati ya mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam renouveler yi cheikh natijan radhiyallahu anhu di nga gis ni wax ñaar yep amana mom manam lu wala lu deugal la lu am solo la te lolu borom niveau yeb dañ ci retrouver wu C'est-à-dire que ki nga xamantene dafa am niveau bu baax daf ci retrouver wu ki nga xamantene dafa am niveau bu élevé daf ci retrouver wu ala kulli halin dal manam dañu taxaw ci ki bobu ci question point bobu parce que aussi pour rek manam di baña imposer nit ñi ben fi xex bisim alors que mbir mi dafa yaa ben point de vue alors que il y a plusieurs possibilités voilà alors que mbir exactement alors que mbir mi dafa yaatu li la cheikh tidiane radhiyallahu anhu wax bur ñi borom xam xam yu mag yi nit yalla yu mag yi ci tariqa bi li lañu bind saxal ko mom lañu yaxal mom lañ fi bay te mom lañu mësa jangal donc ñun mënu ñu taxaw ne par exemple da ngay gis parce que amna ben mbokk bu mako don wax ñu ben deuk sangam ne ñom manam fi ci france la wax voilà mais ñom par exemple fiñu xadara ñom par exemple ko daf leen di wax ne le dedet la faw la ilaha illallah rek genn di wax ba kérok muy jeex mom kenn du fi wax leneen ak yoy ñi tamit ñom xamuñu lolu dañuy bëgg di wax la ilaha illallah après ñu wax allah allah ce qui veut dire que après gaay manam kenn ci ñom ñi dañuy ñenn ñi sax do ñu ñëwul xadara faf ndax ñi ngir manam ak yu mel nonu hein ak voilà manam alors que c'est-à-dire que et puis né parce que xawma kené na manam mom né na xawma serignum mo né ko xawma la ilaha illallah xaw manam xawma allah allah waro gaay waru ñukoy wax parce que xawma dafa am niveau buñu wara toll ay xéetu wax yo xamantene manam du ko fait hadra bi len waro unir wara nek bolo pour ñu djubbo voilà mo len di takale après parce que kenn ku ci ala kulli halin donc voilà manam yalla ñu yalla sam dal damen yalla sam comme la ilaha illallah da fay dakh déjà juste dalay chauffer dalay voilà voilà mané comme ni lay tégué ñaari ñaari nafi la ñaar rak voilà né do la chobi après so ñew continue nak voilà allah allah voilà non mo bëri da fa koyra encore voilà si non am ala kulli hal dal bon buñu xolé dal dinañ gis né quand même buñu wax na wala manam dal yu affaire bi dal yaatu na wala cependant nak kenn ku ci nek tamit da nga wara am ben ubeku deun bu yaatu ci walu bo xamne ñi yépp bax nañ kenn ku tay mën nga defé ni amna lay benen problème bu am moy kenn ku ci nek bëgg ni mom bu ñëwé bu féké gaay di hadara ni faaw mom day soppi air et air bi gaay di hadara bo mu neexu ko da bëgg soppi airu gaay alors mom dama ñeu fete yalla ñala sam bu ñoo mais yoyu ay problème la yo xamantene pourtant le fait que jaamu yalla yu mel nonu ñukoy def ci mbolo dafa wara tax bu xol yi dajalo mais warul nek lo xamne source la pour xol yi di takaliko di feewulo voilà yalla ñala sam deug kon benen mbir bi nga xamantene tamit batna baye xel fi moy prononciation il faut que muy manam wax ji muy leer wax la ilaha illa allah manam ha gi surtout bu mujju bi manam di genn même ha bi ci deug bi la ilaha bobu ha bobu muy genn tamit manam ñukoy prononcer bu baax ak allah allah ha gi tamit muy prononcer bu baax lolou tamit benen masal la bo xam dana man na baye xam au moment où legui ni dafa manam daño nek jogono jo xamantene nit ñi dañuy faral di privilégier neexayu wax ji ci kaw prononciation bu wër bi té lolou nonu manam jaadu téggu ci yoon dal manam legui mu ne fa in kanu wa in kana bu fekke dana nek na fil balad ci dekk bi ikhwanun ay mbokk wa kanu tayne nek ghayra musafirin di ñak tukki manam moy ñu tew fa innahum li wer bor moy ñom yajtami'una kon dañuy dajalo li zikri ngir sikkat wa yadhkuruna te dañuy zikkar ba'da salati al-asr ginnaw julik takusan ila al-maghrib ila al-ghurub ba kero jant bi di son deug li nak moy li gën ci hadar moy buñ julle takusan ba pare gaay def sen sikkar yu ndaw yi manam moy sakhirullah manam sen sikkar yi nga xamne dal manam moy lañuy faral di def ginnaw julli ay comme baqiyatu salihat salatu ala nabi yi ñi def et cetera ñaan yi rek ñu tek tok tek mbalan bi rek commencer sikkar ba kérok jant bi di sax lool mum moy li gën moy li deyal façon lañuy def han façon lañuy def Non, non, non, si. Après, on va voir le business. Mais c'est ce qui est en tout cas, jamono ji wala jamono ji la la bëgg wax mais nak li mo mo gën li nga xamné parce que li mom lañ wara def manam manam mom lañ wara def dans le sens mom mo gën ci ñu war ko def bu fekkonté né lool mën na né surtout surtout hiver bi nga xamanté né heure yi dañuy jégué wanto lool war na mëna jappal si si voilà mais dal kon momo gozi fa tamit ñoo nuro ci buntu bob moy lan moy mbolo dañ ko def ak mbolo hadara do ko def yow kesse il faut nga def ko ak mbolo sude man na ne ay wa legi mona wa insha'u bu len nexé nak bu manam yakhiro na ñu yexé ko wala yabda'una te duñu tambali ba'da salat al-asr ginnaw julli taksan hatta bete yabqa mu dess bayna digeunte ibtidaim seenu tambale wo bayna al ghurub ak sawk jant bi qadra lu tolok sa'atan waqtu bi qadr al imkani ci da katan manam man ak manam possibilité lolu moy lan manam kon li nga xamantene mom moy origine ciosan bi moy nga def ko buñ julle tax sa ba fa rek ñu tambale bagant bi so lool mom moy ligueul sirah mutijani radiyallahu anhu mi ngi wax ne ci ben lettre bu mu doon bindu mbok yi munelen radiyallahu anhu so len defé ñaar yi waxtu mo gën manam so len munul digënté tisba manam bo len munul digënté taksan ak timis mais ngeen man ñaari waxtu bala jant be sox lool mo mo gën 2 heures da so meunul nak li nga xamantene mom munta ñak moy 1 heure de temps minimum maintenant leen nek ni bon am na ño xamantene xawma ñak xam la wala tubab bi fuk sen bop wala xébatal mais dañuy fogné masalan cheikh omar radiyallahu anhu bu ko bindé ni wax ko né 1 heure wala cheikh tidiane radiyallahu bam dañ wax 2 heures wala 1 heure dal est-ce que ñom amon nañ xamone nañ heure suñu montre yi ak yoy manam xawma ak xel mu doya di la wala ñak culture la wala tuba bi da fuk sa bop bo nekkatu fi wala xébat la parce que dans manam ci civilisation yépp dañu mësa xamné jour ab bëss xamnañ ni wé a at bi nangami wër la muy fuk ak ñaar loolu mom ñepp ko mësa xam gisoo leen ni loolu kenn loolu duñ ci wuté abadan duñu wuté mukk ci né nombre de jours yi juroom ñaar la le altiné talata alarba alkhamis aljuma gaaw ak dibé mais fo dem niñ koy wax tuddé moy wouté mais juroom ñaari fan yi moy semaine bi té xam nañ wér ak at li mom ñepp d'accord nañ ci amul benn civilisation bu wouté ci li et nga xam nañ ni jour manam bu jant bi manam moy buñ nane bis bo bis bi buñ nane altiné li tax ñom ñuy wax altiné yépp diko considérer lundi bi yep 24 heures lolou mom ñepp ci mësa d'accord 24 heures bis bi deug buñ ko xajé 24 xaj ñu wuté ben xaj bi moy heure moy waxtu lolou mom manam amul kenn ku ci non lolou mom dañ ko mësa xam xam non ak chronomètre rek yoy lolou dañ dafa mësa am xam nga ni la mi manam lolou je sais pas mais nan le nit di xalaté sax nan ndax gaay xamoon nañ ko wa ah aussi dante bi sax non wa si si voilà non tout temps da dan am falak quoi moy ki rek non il mon falak dafa dafa yag sax dafa yag c'est des oui mais manam yoy manam dafa meuse évident que ni dinañ mo donc xam nañu lan moy heure xam nañ luy wax de deug kon voilà légui nak mu am benen problème bo xamantene ñun dañ ko am moy ñuy respecter affaire c'est pas parce que gisuno nit ñi diko respecter que ni mbir mi até bi da sopé lool nak até bi du sopé kuul té du sopé nit ñi respecter ko ñu bañ bo respecter mais mo mais ça ne change en rien affaire affaire bi ni la déné moy lan moy waxtu daf ko wara mat soudé man na né soudé mën na né su mënul nek nak ngeen ñu def li mais ñam ñu def ñu xadara li fi né ci jamono lo tax sax mom ngay gis borom du rotul kharida wax né par exemple même bu kiwul sax nga def 45 minutes manam moy même mënul manam moy en tout cas fexel ba man ko def manam moy même bu fekke manou le manam moy comme par exemple ñu wara ki dara manam place bi disponible nangam wala mom ay contraintes yu ki surtout comme ni mu meuna dalé ay nit ñu nek europe ci yenn ki ak yoy mais téréwul ngeen def ko mais serigne bi ngeen tok ci buntu jakk di waxtan nek ci seen affaire ba gis ne legui affaire bi e hada 25 minutes dess wala 15 minutes mo dess timis ja ngeen di dogu dug mais serigne di lolu fonto la fonto tari xami la doye dal werdu bi la benn ngant dongu lañ la meuna nangul ci lolu moy nga ñak xam mais sinon doye dal la maintenant gis nga yi nak boko waxe li upp ci ñi wax ne way wa di limi wax mom mais non est ce que deug la parce que xam nga lan mo dal mais est ce que deug la non mais est ce que limi wax ni la mais mi ngi ni mo xam nga inventé wu mo na inventé wu ko mi ngi ni voilà legui non mais xam nga li len di jaxal du lolu li len di jaxal moy lan mo tax gaay respecté wuñ ko mais respecté wuñ da diini ji amul lenn luñ fi respecté gis nga waxuma la di diini ji sax de manière globale mais tariqa bi donc pour nga gis ci luñ ci respecté lu jaxé la lu jaxé jaxé c'est comme condition normale yi nga xamantene mom moy manam yi préalable yi nga xamantene moy fondamentale mom lañ dul respecté bo joxé tariqa bi au moins da ngay joxé charte lolu rek legui lolu rek source de crainte la non mais c'est vrai que cheikh ding lu mo kuko deful man may langu sa digel dama koy yekati gis nga cheikh omar radhiyallahu anhu ligu seyd mohammed khali wax radhiyallahu anhu cheikh omar ben manam cheikh omar waw men mom manam borom tire bi cheikh omar radhiyallahu anhu non mais est-ce que xam nga kan moy cheikh omar radhiyallahu anhu non parce que il faut non parce que bo xamé kan moy cheikh omar radhiyallahu anhu ci ngay xam porte wax ci bi seyd mohammed khali wax radhiyallahu anhu niko li moy condition te soy jox nangam bo ci rek manké sa ndigal yekati nañ ko dessine bi wo xon nañ ko ci jotay yi passé manam affaire bi double conséquence la waaw surtout bobu nga xamantene moy di joxe tariqa bi te joxe lele comme ni ngoy gisse waaw yor go gurus jeul ki legui delu wer bo demé ñu jox la charte bobu koku non seulement kiñ ko jox mom amul dara mais yow mi ko def dop nga da ngay dag ci tariqa bi non, dafa am wala moy fondamental mais au moins nga wax ko nga leral ko moy du ko ci diina ji l'islam rek déjà wala nga sé nga wax ba ci sédé kel julit bi amal après ñu joxala ki wa non mais même n'importe quel amul ben école buñuy recruter nit ñi loolu dañ lay wax na les conditions requises est ce matal nga ko prouve yone ni matal nga ñu do la jël exemple boy jall voilà koku boy jall lool la lool la bon maintenant ala kul halin parce que ki manam c'est à dire que lolu ba bare cheikh manam cheikh tidiane la dane da ci insister ñi ñew ci ginaawam insister ci neneen ne ñoon insister ci ñun lan motax legi ñun ñu bëgg jël lolu de ko way fa ba bare li dina graw moy ñun dañuy gis c'est à dire que lolu ñun dañuy gis ño xamantene non lañuy doxale mais dañuy jappale ñooñu kenn daru len yeey ci tariqa bi té muy xamone lolu nonu ñu ko def cheikh mo wax ni donc manam affaire bi tamit il faut que ñu am ki bobu rigueur bobu voilà respecter ko comme liko parce que li en fait li ñuy risqué moy mu bari ño xamantene dañuy wër ni rek mais en réalité yu ñu dara lool la ñuy risqué quoi té nak bon man nak bëgguma won lool man dama bëggono bok dama bëggono bok yalla nañ yalla sam deug kon hadara juma mom li la day mat waxtu gaay def ko kon cheikh bi yow lan ngay conseiller ko xamne ni mom tay dafa taxaw li mom dafa bëgg dug ci tarixa bi koku bu dem ci muqaddam bi est ce que condition yi boko na ci bu dem muqaddam bi jox ma sa challenge le ba ci cheikh non do du condition mais madame lan nga ko mëna conseiller disciple bobu pour vraiment buy dem pour jël terre bi mu jël ko fu woor te surtout manam ñu jox ko wa mo lool mo xam nga day rafet ndort ci nit ñi rek aussi xam nga tamit mënu ñuy di tamit mais au moins est ce que ko amna au moins le minimum de rigueur ci affaire bi d'accord parce que dafa am yo xamantene tamit c'est un minimum de rigueur bo xamantene mom lay am lool la rek est ce que tamit manam ndax ñing koy dund est ce que ming koy dundal parce que muqaddam tamit du titre rak dara kessé bon c'est vrai que à notre époque titre honorifique le en fait non mais c'est vrai muqaddam suñu jamono mais cela strictement rien dire non c'est titre honorifique voilà mon gars. Non mais c'est vrai. Titre honorifique. Parce que tout le temps, c'est-à-dire que mais lui qui aimait ça. Moi je dis nous avons Je suis un peu plus de temps. Di def mais jaruko et en plus en tout cas dal li nga xamantene mom moy muqaddam yi meuna joxe wer rek joy de façon bari nañu fess nañ ci aduna alhamdullilah yalla def na sukuru bo tariqa bi alhamdullilah mais nak quand même ñom surtout muqaddam yi ñom ño wara djema upp rigueur ñu ci dess parce que imaginer ko xamantene ba paré tamit mu ba nek titre honorifique pour ñom mais mu nek lo xamantene dafa responsabilité bi mu andal responsabilité bi ñu jël ko incarné dundal ko mais hein lool mo moy li jàng té dara nekku ci loolu dundal tariqa bi lañ wara dundal mom lañu wara jappale manam mom lañu wara yëkëti waru nek lo xamantene da ngay de yaangi deg manam du tour buñu du tour voilà leele tam nga gis nit ko xamantene bon amna ño xamantene leele même ci sen biographie yoy dañ ci bindu way a telle année là mom ni les promu comme étant un muqaddam de la mais attendez mais ñeneen amna ñeneen tamit ño xamantene dañ koy jël bindu ko ci ay ki kay def ko xéetu diplôme hein c'est bien mais bien sûr waaw du def ki le message dañ koy cadrer am yoy yeb hmm taf ko fi ci kaw ñeneen ni ki et cetera voilà c'est comme si comprendre ñu né responsabilité la comprendre une responsabilité la mais tariqa bi amul fi gis nga té ñu bari li ñu comprendre luñ fogul luñu xamul moy né nek muqaddam taxul nga raw kiko nek kiko nekul mais lool lañ comprendre yi gaay ay talibé lañ fi lu fi way ri mbir mënul nek luddul talibé talibé dong la ci cheikh radiyallahu anhu ki ci res tamit talibé ki ko nekul mo xana mais talibé la et en plus ki nek mo xadam sax mo gëna na ci danger en fait parce que mom da fay am yu koy incombé yu koy war yo xamantene du war ki nga xamantene mom du mu xadam parce que amul responsabilité bobu parce que tam mais comme fep manam ki nga xamne mom diplomate diplomate bi mom day am manam déjà dafa am numu wara mel day am numu wara comporter wo ça dit que dafa am yo xamne do ko sañati day am yo xamne du ko ñëmé day am yo xamantene daf ko war di respecter dafa war di te charisme bi pour parce que réew motax réew bi muy représenter motax donc dafa am charisme bo xamne daf ko war di garder dafa am lo xamantene waru koy waxe dafa am fo xamantene waru fay dem kenn waru ko fa gis manam parce que mënu ñoo nek dama un diplomate ñu gis ne way yow ya représenter yaangi leg KMR ci réew sangam États-Unis wala féral manam no ñu bal rek manam xéttu wax ki la rek pour expliquer djublu ma ci won akis manam wala Dubai wala fenen ñu gis la ci danse bi ak yoy non leg ñu lay photo ci journaux yi ngay nga nan pou par exemple yoy lool rek sanction la bu ri bo xamantene bis bu le président yegge da nga yaq da nga am problème parce que hein et cetera té mu wo lu sax révoquer la ba paré teul lu parce que da nga yaq da rew et cetera donc manam ki nga xamantene tamit mom moy mu xadam bi dafa wara am numu wara mel dafa am numu wara doxale diiné ji numu ko wara taxaw am jikko yo xamantene yoy la wara amé am un minimum quand même de connaissance requise manam warul nek ko xamantene tamit manam wala mom wala et puis tamit pratique bi tamit manam muy joxe le bon exemple ci pratique bi modèle exemple exactement mais tay nga ñu nga wazifa ginnaw suba do wazifa suba nga ñew hadara gannaawat suba nga mais lolu moy lan moy ban xéetu xadam mais hein yalla sam voilà ñun nak muy ko ñu fi pour wax né way diw ci la bok diw bokku ci diw ki lolu ñun du lolu lañu géré mais da li nga xamantene moy règle ni lañu wara doxale cela ne veut pas dire que képp ku ko doxale wul rek yëkëti nañ sey mbir tekki wul lool mais rek daf ci am yo xamne boko defé lool ci taxi yi motax taxi yi ñone lool soko defé dañuy nangu sey ndigal c'est systématique ko lool taxi yi ko wax mais kanta yi nga xamantene nak bobu taxi même gis nga dañuy différencier entre li nga xamne taxi fondamental yi ñoko wax taxi fondamental yi ñoko wax comme yi nga xamne Cheikh Tidiane Radal ci bopam moko wax dañ koy différencier ak yi nga xamantene par exemple khalifa yi ñom ñeneen ñi ci dess ñom ñoo gis ne muqaddam warna def li warna def li wala yi nga xamantene cheikh ibn tidiane delane moko wax mais daf ko wax en tant que conseiller woko en tant que législateur daf ko wax en tant que conseiller yoy tam dañ koy différencier ak yi nga xamantene daf ko wax en tant que législateur comme yi nga xamantene daf ko en tant que législateur moy comme par exemple bo fekente da nga jël tarikha bi nga joxo ko sans charte bi nanguna sun dibal yekiti na koku mom législateur mais par exemple rafetal jikko da nga war di dox digënté mbokk yi da nga war di loy en tant que conseiller c'est à dire que même bu fekente na amna côté législation bu ci nek tamit tekkiwul ne automatiquement que ni kuko manam muqaddam da wara mil ni par force dedet mais limi tekki nak mom moy ce niveau spirituel en tant que muqaddam day évoluer selon ni nga respecter yoy ki gëna respecter mbir yi rek mo gëna mat ci ñom ki ko gëna ñaak respecter mo ci gëna ñaak mat ci ñom lool lay tek mais ça ne veut pas dire que ni kumu jox wër da amo dara ak yoy lool par contre koku c'est une exagération lool aussi mais dal ala kulli hal kon ñu delu ci wat ci wadi ci heure bi kon heure la 1h voilà 1h yi dañ ko war ni respecter 2h yi mo gën légui nak amna benen point bo xamantene tamit mi ngi koy wax mune voilà mune wa insha'u bu len sobe yabtadi'una ñu tambali bi qira'ati al-wazifa ci jang wazifa bi manam su la nexé bu ñu julé tax sam pare ñu tambali def wazifa in lam yakunu bu fekete nek lañ ni xad deug qara'uha jangon nañ ko deug wax bu fekente ne wazifa guñu won bu len nexe ñu wazifa lool moy lan moy mën na wazifa digënte tisbar ak xaku sa du deug mais bobu day fek wazifa bi nek wazifa kan moy benn bi moy def non moy benn bi la war ci bi la war ci bis bi bu fekkante ne wala nit ki benn moko war wala comme par exemple xam nga comme gissone nagn ko biñu giss ci wazifa ki nga xamantene par exemple mom dafa ñew en fait wazifa su fekkante ne yow benn bi da nga ni man day benn rek lay def wala bo may def ñaar bam yag man mais jamono yi awmu jot legui lay def benn par exemple koku non comme ko benn rek mo koy war ci journée bi benn bobu rek lay def heure ci heure bobu manam heure bu ko neex la koy def ci 24 heures su ko neexé tamit mu tek ko ci suba bi su ko neexé mu tek ko ci ngor bi mais bu dé lool la il faut kon mu julli takusan ba paré maintenant su fekkante né benn bu manam mbolo mi dajalo lañ nga ni ah kon nañ ko finalement nako def tay heure bi manam nga def ko parce que heure bu la neex nga koy def en tout cas dal liñu xam moy liñuy tuddé altiné lundi bu altiné rob bu té defo ci benn wëtu liñuy tuddé talata muy mar bi bu mu rob bu té defo ci benn yow wëtu voilà 24 heures et cetera lool la voilà amma ki def ñaar heure yi nga xamantene mom moy heure heure werdi boxtari voilà ak babu wi waxon bu ko ci jotay yi parce voilà exactement voilà et que tamit surtout amul par exemple ño xamantene dañ leen di imposer ni fokk ñuy def ñaari wazifa ñi ñu ne fokk ñuy def ben wazifa lool amul ci tarikha bi lool amul moy comme ni ko waxale ñepp xéxale ndox wala bogo summon mo na top nak legi kon nak lolo mo na kon bu len nexé ñu jang wazifa ba bare summa top yef aluna ñu def azkar alladhi bi nga xamne yef'alu mom lañu def baada asr ginnaw takusan yawmil jumaati bisu aduma bi wa yakunu te mu nek ala hal ci hal bo xamne muttasilan def koy jokale bil maghribi ci bil ghurubi bok ci sok jant bi kon manam tak lol tan benen affaire la moy comme li bo xole ki ahzab wa awradi sir muhammad hafiz radiyallahu anhu daf ci dako wa dafa am lum ci expliquer fa nga ñew mais lan motax nga ko ko soxna dang ko jëfël motax non en fait may djégul pour man dang ko mais dama ko tuddé d'accord may djégul wa li nga joxagne fi motax wa mais ñaata yon lay wax la di joxagne ben téru fo féré bari non wa may djégul légui kon bo xolé sayyid mohammed hasan radhiyallahu anhu même bi mu ci ki dafa préciser ci walu bok né par exemple mom expression bi utiliser mo dañi wala budda minute faliha bil ghurub manam munte ñak nga jokale ko ak so wujante wala manam kon hadara do len def ni par exemple hadara nañ ba pare ay wo nañ tok legi comme que legi nga gis ñoo xamné 45 minutes lañuy hadar tok après ñu tok di waxtan nek ci yenen té alors que dañ ko warono jokolé ak sow d'ailleurs fofu le sirru bi nek dina ko wax fenen né secret deug ki bi hadara bi moy nga jokolé ko ak timis d'ailleurs lolo tax sax ñuy wax né gisso mu né lolo tax sax ni bu fekkante ne même meun nga ko retarder sax par rapport ak sam mais pas par rapport ak joko sowu jant bi pas par rapport ak sowu jant bi te lolu lu am solo est-ce que kon du won sax ala kulli halin hein mais kon ala kulli halin waaw voilà lolu meun na nek voilà ala kulli hal muttasilan waaw kay waaw si muttasilan bil ghurub wax nga deug manam kon xal bu munti don manam fokk rek day jokkolo ak wala ak soob jant bi amna tamit ben masala fofu bo xamantene lolu ki la moy ko xamantene tay par exemple ñi nga xamantene borom yi ki len cheikh metti jara d'ailleurs mi ngi ci ki bi ahza wa urad bi nonu ci debbi bi sir mohammed hasan radhiyallahu anhu ngi ci leral bon ak mi ngi ci yenen teeri tariqa bi ñom bukhya kashful hijab et cetera wala ifada mais si rahmatu jalla dara no dafa am ño xamantene ci ay talibum daf leena woyofal mbir mi c'est à dire comme que ñom ay commerçant lañ won wala ñu nek ay borom mi mbay ak yu mel non ñom duñ mon mun doñu won mun fekke hadara heure bobu manam jokkale ko timis bi mais ñoñu parce que vu c'est une situation spéciale bi nga xamantene mom lañu amé motax dañ leen daan wax ne leen cheikh tidiara daan mu baat wa rakhafa cheikh sayyidna lo utiliser rakhafa sayyidna radhiyallahu ala ba'd ashabih kon wala bok li ba'd ashabih radhiyallahu manam kon dafa am lenn ci ñu mu woy falal manam yu indir ruksa ci lool ñom ñu ne kon yeen bo leen julé taksan ba pare rek mën ngeen ko def ñom mo wal motax ñom groupe bobu ben groupe bu restreint la nga xamantene buñ jullé taksan fa dañ dan tok rek def ko té période yo dafa am période précise tamit buñ ko dan def donc ce qui veut dire que lolu dafa gëna jégué ak boole julli bi nga xamantene mom la ni boole julli ci nit ki fu nekké ci situation bo xamantene day risqué baña mëna julli fi mi liggéeyé wala fenen manam mu nekk ci situation bu délicat bo xamantene bon du n'importe quel fooy liggéey mais bu délicat il faut mu délicat situation bu délicat bo xamné du am na nu muy jullé bu boba mu mën bolé tisbar bek takusan nit ci heureu tisbar bi wala ci heureu takusan bi niki non timis bek gébi ci heureu timis bi wala ci heureu gébi bo xolé kon cadre figure yu ki la manam waaw yu exceptionnel lañ lolu tamit mom moy exactement si rahmatu dalla dal lolu la waya fanal non ñi nga xamantene ñom ñoy mbokam yoy non man xam nga bo xol wolifo bi heure yi ngi ko mën da naka 24 heures yeb mën nga ko ci def alors que hadara juma arduma rek la te fi rek la ko mën def part bobu rek nga ko mën def donc ce qui veut dire que ni ñom dañ la doon wax nan bo leen julle tafsale tabali le mo tax ñom daf leen ko doon woy fala mais ñoon déjà ci ben cadre figure précise ba paré ci ay moment yu précise lañ moy yi nga xam tane ci le cadre mais duma ñew to par exemple ñu ñew ni rek da na gaay ay wa nañu way ñun tay téño té la tambali ah bu ko défé ñu mëna libéré wu non wala ñu tok ki def suñu wër suñu hadar après ñu tok waxtaan heure ba timis jox non affaire bi déme non man kon il faut ñu lan jokkolé ko lan ak lan ak sok jant bi muna way inshaahu buñu sobe ñom yadhkuruna ñu zikr al kalimata kaddu moy ash-sharifat bu tedd bi tamame ak matalam min awwal zikri moy li ñu wax liko tambale ci sikkar bi ila akhiri ba ci mujj ga awwal bok yaqtasiruna ñu gatañ lu ala zikri ci sikkar al fard bay ben manam moy allah allah bu la nexé ñu wax la ilaha illallah lako tambale mo bu ko defé bu la nexé ñu yam rek ci allah allah min awwal zikri lako tambale ci ndal benu zikkar ila akhiri ba ci mujjun teug ga wa yaqtadiuna bu la nexé tam ñu tambali bil kalimati ci kaddu bi tamamha ci bam ci bu mat ba manam moy la ilaha illallah mu mat wa yaqtamuna ñu teje fi akhir zikri ci mujjantelu zikar bi bi zikri al fard ci zikaru chapatuli gi moy allah allah ala ay wajhin ci gep ko wal min hadhir wujuhi ci min hadhir wujuhi voilà ci yeg wal zakaru buñ ko zikara ajza dana dagal dana bax wa in kanu fega de nek nañ musafirin di way tukki fala yalzamum du war ci ñom donc du saxo ci ñom al ittima dajalo wa inma li ambales moy alayhim dana war sen kaw xina izin ci bobu jamono an yadhkura ci muzikar kullu wa'd kep ken al kalimatu sharifa kaddu du tedd gi moy la ilaha illallah bi kamaliha ci matam aw wala bok al dhikru fard sikkar bi nga xamne chapatuli la moy allah allah ala ay wajhin ci gep wal kana bu meuna don minal wujuh ci wal yi al mutaqaddimati yi nga xamne mom lañu jitu mais bu boba moy bu re dañu tukki moy lan al fan junni wa xam samia ak juromi temir aw wala bok al fan junni wa sittamia ak jurom ben temir deng kon lolu mom moy ka ci biñu lolu lañuy développer be jotaay bi ñu inshallah muna way wal munfarid mais dañuy jéxal wax ji bu jotaay bi ñu développer wal munfarid ki nga xamne chapatul la alladi ki nga xamne tamit manam moy kenn ki nga xamne dafa wet lam yakul nekul lo ñal ko fil baladi ci dekk ba mu ne ikhwan ay mbokk yu meuno hadarandol hakaza non lay def tamit way wa in sha abu sobe al musafiruna way tukki ni tukki bu len sobe tamit agne tamio ci ni dajalo way kuru ñu zikar jamaatan mbolo bila adadin ci lu amul ak lim falahum ñel na len zalika lol manam kon lol la tamit ni tukki bu len nexe ñu dajalo amul lim parce que en fait hadara juma bu de mbolo lañ amul lim bu de kenn la ci la am lim mom nak indi na manam ñaar yi dinañ indi yeneen waxe inshallah ci jotaay bi ñew wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin